إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc ce soir l'étude de cette épître au sous la sunna de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala. On a vu la semaine dernière le premier sujet que l'auteur a abordé et qui concerne la foi au destin. Dans l'assise de ce soir, on va voir la deuxième partie de son épître qui est au sujet de la définition de la foi chez les gens de la sunna et du groupe. Il a dit, rahimahullah, « Wa anna al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus, wa la yanfa'u qawlun illa bi'amal, wa la amalun wa qawlun illa bi'niyyah, wa la qawlun wa amalun wa niyyah illa bi'sunnah. » Donc l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, « Que la foi et parole et actes, elle augmente et elle diminue. La parole n'est profitable qu'avec l'acte, de même que la parole et l'acte ne sont profitables qu'avec l'intention. Tout comme la parole, l'acte et l'intention ne sont profitables qu'avec la sunna. Ceci est donc le deuxième sujet ou le deuxième fondement abordé par l'imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala dans cet épître. Il a introduit ce sujet en disant que la foi et parole et acte, elle augmente et diminue. C'est-à-dire qu'il fait partie de la sunna, qui est, comme on l'a dit la semaine dernière, la croyance sunnite authentique. Il fait donc partie de la sunna que l'homme croit que la foi est parole et acte, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Ce fondement, il est donc lié à la foi, al-iman, et nous allons le traiter sous plusieurs questions, incha'Allah ta'ala. Premièrement, il fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunna et du groupe, ahl-sunnati wal-jama'a, que la foi est parole et acte. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Et il y a unanimité des imams parmi les salafs sur cette question. Et on peut mentionner à titre d'exemple, parmi ceux qui ont rapporté l'unanimité, la parole d'Al-Hafid ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, qui a dit dans son livre At-Tamhid, « Les gens de science et du hadith sont unanimes sur le fait que la foi est parole et acte, et il n'y a pas d'acte sans intention. Et pour eux, c'est-à-dire les gens de science et du hadith, la foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. » L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, « J'ai écrit de 1080 hommes qui étaient tous des partisans du hadith. Tous disaient que la foi est parole et acte, elle augmente et diminue. » Et Abdurrahman, le fils de l'imam, Abu Hatim al-Razi, rahimahum Allah ta'ala, il a rapporté de son père, ainsi que de l'imam, Abu Zur'a, qu'ils ont rencontré les imams des gens de la sunna, dans différentes contrées, parmi les contrées du Hijaz, d'Irak, d'Égypte, du Cham et du Yémen, et ils s'accordaient tous à dire que la foi est parole et acte, elle augmente et diminue. On voit donc à travers ces paroles des grands savants de l'islam que cette question, elle n'est pas sujette à divergence. Mais au contraire, il y a plutôt unanimité à ce sujet. Donc la deuxième question, elle concerne les différentes expressions rapportées des salafs concernant la définition de la foi. En effet, celui qui lit les paroles de salafs au sujet de la définition de la foi, il s'apercevra qu'ils ont employé différentes expressions pour définir la foi. Certains ont dit comme ici, la foi est parole et acte. D'autres ont dit, la foi est parole, acte et croyance. D'autres ont dit, la foi est parole, acte et intention. Et d'autres ont encore dit, la foi est parole, acte, intention et suivi de la sunna. Donc la question qui se pose ici, c'est est-ce que les différences dans les termes de ces expressions indique une divergence sur le fond de la question qui est la définition de la foi. Et la réponse à cette question, et qu'il n'y a pas de différence entre ces expressions, et qu'elles sont toutes rapportées des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a clarifié cette question en expliquant ce qui est visé par ces expressions. Il a dit, rahimahullah, selon le sens résumé de sa parole, parmi les salafs, certains ont dit « la foi est parole et acte », comme l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, ici. Il dit « ceux-là ont voulu par la parole du cœur et la parole de la langue. Et ils ont voulu par l'acte du cœur et l'acte du corps. » On voit donc ici que la croyance, elle entre dans leur définition. Et ceux qui ont voulu spécifier la croyance, c'est-à-dire qui ont mentionné le terme croyance dans la définition, ceux qui ont voulu spécifier la croyance ont vu que le terme parole, il n'est compris que par la parole apparente, c'est-à-dire la parole de la langue. Et que la plupart des gens, lorsqu'on leur dit parole, ils ne comprennent pas que cela englobe également la parole du cœur qui est la croyance. Il dit, rahimahullah, où ils ont craint que cela ne soit pas compris. Ils ont donc ajouté, c'est-à-dire dans la définition, la croyance du cœur. Et ceci vient de leur précision, rahimahumullah ta'ala. Et de leur prudence, ils ont donc préféré lever toute confusion à ce sujet, alors ils ont ajouté le terme croyance pour éviter toute ambiguïté. Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit ensuite, et ceux qui ont dit, la foi est parole, acte et intention, ils ont dit que la parole, elle comprend la croyance, qui est la parole du cœur, et elle comprend la parole de la langue. Tandis que l'acte, il se peut que l'on ne comprenne pas de celui-ci qu'il comprend l'intention. Alors ils ont ajouté l'intention. Car l'intention, ce qui est visé par celle-ci, c'est l'acte du cœur. Donc lorsqu'on dit que le cœur, il a des paroles et des actes, ces paroles, ce sont les croyances, et ces actes, ce sont les intentions. Donc ces savants, ils ont précisé cela par crainte que l'on ne comprenne du mot acte que l'acte du corps en dehors de l'intention. Il dit ensuite, Cheikh al-Islam, rahimahullah, et ceux qui ont ajouté le suivi de la sunna. Ils l'ont fait car tout ceci ne peut être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que par le suivi de la sunna. En effet, celui qui œuvre mais qui ne se conforme pas à la sunna dans ses œuvres, alors ses œuvres elles sont rejetées, elles ne sont pas aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, et les premiers, c'est-à-dire ceux qui ont dit que la foi est parole et acte, ils n'ont pas visé par cela toute parole et tout acte, mais seulement ce qui est légiféré parmi les paroles et les actes. Mais leur objectif n'était que la réfutation des Murji'a qui ont dit que la foi n'est que parole. Ils ont donc dit, la foi est plutôt parole et acte. C'est-à-dire que les imams parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, qui ont dit au sujet de la foi est parole et acte, ils ont voulu par cela réfuter la parole des Murji'a, qui sont un groupe parmi les groupes des gens de l'innovation qui se sont égarés sur la question de la foi. Et cela, ils ont dit, la foi, elle n'est que parole. Donc les imams parmi les salafs, ils ont dit pour les réfuter, la foi est plutôt parole et acte. On voit donc à travers cette explication détaillée de Cheikh al-Islam, rahimahullah, qu'il n'y a pas de différence en réalité sur le fond de la question entre ces différentes expressions employées par les imams des salafs, rahimahumullah ta'ala. Ils sont donc tous unanimes, comme on l'a vu, pour dire que la foi est parole et acte. Elle augmente et elle diminue. Et la parole, elle englobe aussi bien la parole de la langue, qui est toute bonne parole que tu prononces avec ta langue, comme l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation du Coran, les bonnes paroles que tu adresses à tes parents et à tes proches, et ainsi de suite. Et la parole, elle englobe également la parole du cœur, qui est la croyance que renferme ton cœur. Et l'acte, il englobe aussi bien l'acte du corps que l'acte du cœur. L'acte du corps, c'est les actes que tu fais, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, et ainsi de suite. Et l'acte du cœur, c'est ses intentions, ses fermes volontés à accomplir les actes avec son corps. Donc l'essentiel ici, c'est de retenir que la foi, elle englobe toutes ces choses, et qu'elle est, comme on a l'habitude de dire, croyance du cœur, parole de la langue, acte du corps, elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance. Donc c'est cette définition détaillée que l'on a l'habitude de dire et celle-ci elle est acceptée par l'ensemble des savants de la Sunna. Et l'objectif ici, à travers la lecture de la parole de Cheikh al-Islam, rahimahullah, ce n'était que de comprendre les différentes paroles et les différentes expressions qu'ont employées les imams parmi les salafs, à l'exemple de l'imam al-Humaydi ici, rahimahullah, lorsqu'ils ont dit seulement la foi et parole et actes. La troisième question, elle concerne l'augmentation de la foi et sa diminution. Et cette question, comme on l'a vu, elle fait unanimité chez les gens de la Sunna. Et cette croyance, elle repose sur les textes du Coran et de la Sunna. On peut mentionner à titre d'exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 2 de Surat al-Anfal, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Les vrais croyants, ce sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné très clairement ici dans ce verset l'augmentation de la foi. Il a mentionné cela dans d'autres nombreux versets dans le Coran. Et on trouve également cela dans de nombreux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il y a de nombreux récits rapportés des compagnons radiyallahu ta'ala anhum à ce sujet. On peut mentionner à titre d'exemple la parole de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu qui a dit à l'un de ses compagnons « Assis-toi avec nous un moment que nous ayons la foi. » C'est-à-dire « Assis-toi un instant » afin que l'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'évocation d'Allah, elle va faire augmenter notre foi. Et on trouve de nombreuses paroles semblables qui sont rapportées d'autres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. On voit donc à travers cela que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils accordaient une grande importance à cela. Et ils veillaient à entretenir leur foi et à ne pas mettre leur foi en péril en la laissant diminuer. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, il a même dit qu'il fait partie de la science de l'homme, qu'il sache si sa foi augmente ou diminue. C'est-à-dire que tu saches si ta foi elle est forte ou si elle est faible, si elle augmente ou si elle diminue. Car en réalité, l'augmentation et la diminution de la foi, c'est quelque chose que le croyant il ressent dans son cœur. Il l'observe également à travers ses actes. En effet, lorsque tu vois que tu es enthousiaste, que tu es motivé dans l'adoration, que tu multiplies les œuvres surérogatoires tout en étant assidu aux œuvres obligatoires. Alors ceci est un signe d'une foi qui augmente. Et inversement, si tu vois que tu es paresseux, que tu fais très peu d'œuvres de bien, que tu te laisses aller dans les péchés, alors ceci t'indique que ta foi est déficiente. Ceci t'indique que ta foi, elle est en train de diminuer. Donc lorsque tu ressens cela, tu dois faire des efforts pour y remédier. Et tu dois te soigner. Et ce afin que ta foi augmente et cesse de diminuer. Et il n'y a aucun doute que l'on compte parmi les plus grandes causes d'augmentation de la foi les assises de science. Elles font partie des plus grandes causes d'augmentation de la foi, car ce sont des assises dans lesquelles on évoque Allah subhanahu wa ta'ala et dans lesquelles on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à connaître nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus tu apprends la science, et plus tes connaissances augmentent, plus tu es censé te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le craignant, en multipliant les œuvres de bien, et ainsi augmenter ta foi, incha'Allah ta'ala. Et inversement, plus le serviteur s'éloigne des assises de science, et plus il s'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus sa foi elle diminue. Tu dois donc veiller à cela. Tu dois surveiller ta foi et surveiller tes œuvres qui font partie des causes de l'augmentation ou de la diminution de ta foi. Et nombreux sont ceux qui ont dévié du droit chemin au sujet de cette question parmi les gens des passions, à l'exemple des Murji'a. C'est pour cela que l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, il a tenu ici à clarifier cette question en soutenant la vérité, c'est-à-dire en soutenant le fait que la foi et parole et actes, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi l'imam al-Humaydi rahimahullah, il a réfuté le faux comme la parole des Murji'a et autres parmi ceux qui se sont égarés sur cette question. Donc la quatrième question, elle concerne les groupes qui se sont opposés aux gens de la sunna quant au fait que la foi est parole, acte et croyance. Donc les Murji'a, ils se sont opposés aux gens de la sunna et ils se divisent en trois principaux groupes. Le premier, ce sont ceux qui disent que la foi est simplement la connaissance, à l'exemple des Jahmiya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan. Ou alors ils disent que la foi, elle ne concerne que ce qu'il y a dans le cœur, comme l'ont dit la majorité des Murji'a. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui disent que la foi est seulement parole de la langue. Et ceci est la voix des Qarramiyya, ceux qui considèrent l'hypocrite comme croyant. Le troisième groupe, ce sont ceux qui disent que la foi est croyance du cœur et parole de la langue, mais ils en ont exclu les actes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré les actes comme faisant partie intégrante de la foi. Et ceci est la voie de ceux que l'on appelle Murji'atul Fuqaha. Et toutes ces idéologies, elles sont fausses et elles s'opposent aux preuves claires du Coran et de la Sunna, ainsi qu'à l'unanimité des imams des salafs quant au fait que la foi, elle est croyance du cœur, parole de la langue, œuvre du corps, elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Enfin, la cinquième et dernière question que l'on va voir dans cette assise, elle concerne la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui a dit « La parole n'est profitable qu'avec l'acte, de même que la parole et l'acte ne sont profitables qu'avec l'intention. Tout comme la parole, l'acte et l'intention ne sont profitables qu'avec la sunna. » Donc à travers ces paroles, l'imam al-Humaydi, rahimahullah, il nous confirme ce que l'on a expliqué à travers la lecture de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il attire ici notre attention et il nous rappelle les deux conditions d'acceptation des œuvres. Question premièrement, al-ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu voues l'ensemble de tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et tu t'éloignes de toute forme de polythéisme, qu'elle soit majeure ou mineure. Mais tous tes actes d'adoration, tu ne les voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. La deuxième condition, c'est le mutaba'a, qui est le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière légiférée dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te conformes à celle-ci dans l'ensemble de tes œuvres. Car ces deux conditions, elles s'appliquent sur l'ensemble des œuvres par lesquelles tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes adorations, qu'elles soient obligatoires ou surrogatoires, elles doivent remplir ces deux conditions. Que ce soit ta prière, ta zakat, ton jeûne, ton pèlerinage, l'étude de la science, la bonté envers les parents, le maintien des liens de parenté, ou toute autre œuvre par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle doit impérativement remplir ces deux conditions. Elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et elle doit être conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si le croyant il remplit ces deux conditions dans ses œuvres, alors ses œuvres, elles seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa permission. Et les gens, ils se divisent en quatre catégories à ce sujet. En effet, il y a parmi les gens celui qui n'est pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se conforme pas à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le cas des polythéistes et des mécréants à titre d'exemple. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont sincères dans leurs œuvres, mais qui ne se conforment pas à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est le cas des innovateurs. Ils cherchent sincèrement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre, mais ils ne se conforment pas à la sunna dans celle-ci. C'est-à-dire qu'il accomplit une œuvre qui n'a pas été légiférée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle sera rejetée. Donc celui-ci, son œuvre, elle n'est pas acceptée. Aussi sincère soit-il, tant qu'il ne se conforme pas à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son œuvre, alors son œuvre, elle est rejetée. Elle n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne sont pas sincères, mais qui se conforment à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela peut arriver par exemple à certaines personnes qui cherchent à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont parfois touchées dans certaines de leurs œuvres par l'ostentation. C'est-à-dire qu'il accomplit son œuvre comme elle a été légiférée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il recherche par celle-ci par exemple le fait de recevoir les éloges des gens. Il sait que les gens le voient, alors il va perfectionner sa prière en cherchant à être aimé des gens. Et en faisant cela, il annule son œuvre, car il ne l'avoue pas exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son œuvre, elle est rejetée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La quatrième catégorie de personnes, ce sont ceux qui sont sincères dans leurs œuvres, qui les vouent exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et s'éloignent de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, à l'exemple de l'ostentation. Et ils se conforment dans leur œuvre à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'accomplissent de la manière dont il l'a légiféré. Et ceci est l'œuvre pieuse. Et c'est celle qui est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin que nos œuvres soient accomplies sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques questions liées à ce passage du livre que l'auteur a mentionné au sujet de la foi et de sa définition. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا